Tout au long de cette semaine, dans les archives de la méthode scientifique, nous regardons vers demain, 2020 et après, c'est le thème de cette semaine, avec aujourd'hui le futur de la robotique et les robots inquiétants de la société Boston Dynamics, une émission diffusée le 14 juin 2017. Fin de semaine dernière, Google se séparait de sa filiale robotique la plus célèbre, Boston Dynamics, pour la céder au japonais SoftBank. SoftBank qui se positionne par cette acquisition, dont le montant est bien sûr resté confidentiel, comme l'un des futurs géants de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il faut dire que Boston Dynamics, c'est la crème de la crème du développement robotique, 25 ans de création de robots, principalement à usage militaire, en association avec le département de l'armement des États-Unis. Mais malgré leur excellence technologique, quel avenir pour Boston Dynamics et surtout, quel avenir pour ces robots ? Boston Dynamics, les robots prennent le pouvoir, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le passé, le présent et le futur de ce laboratoire de robotique de pointe et des autres, eh bien nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rodolphe Gélin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif chargé de l'innovation chez SoftBank Robotics, qui vient donc de se porter acquéreur de Boston Dynamics. Bonjour Morgane Tual. Bonjour. Vous êtes journaliste au pôle Pixel du journal Le Monde et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Toulouse avec Jean-Paul Laumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse. Voilà, nous sommes en direct, comme chaque jour, sur le fil Twitter de l'émission, que je vous conseille de suivre particulièrement aujourd'hui, parce que nous allons mettre un certain nombre de vidéos de ces robots, parfois un peu bizarres, développés par Boston Dynamics, et donc adjoindre l'image aux descriptions sonores. C'est en vous abonnant donc au compte de l'émission @laméthodefc. Pour commencer, peut-être simplement par un premier tour de table, qu'est-ce que Boston Dynamics a changé à la robotique? Est-ce que c'est vraiment ce laboratoire d'excellence inégalé qu'on décrit, hein? Un roboticien disait, Olivier Stas, à propos de Boston Dynamics, à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, certains collègues dépriment, et nous aussi, niveau recherche, ils sont vraiment impressionnants, ils sont leaders en termes de démonstration pure, ils tirent tout le monde vers le haut. C'est une fierté, j'imagine maintenant que c'est votre propriété, Rodolphe Gélin. Alors, pour être tout à fait exact, c'est la propriété de SoftBank et pas de SoftBank Robotics. SoftBank Robotics, c'est encore une société de 500 personnes, on n'a pas les moyens de s'offrir ça. Même peut-être si une division de SoftBank, voilà, mais qui était à l'origine une entreprise française et qui a été rachetée il y a 2 ans. Voilà, on a été racheté par SoftBank comme Boston Dynamics vient d'être racheté par SoftBank. Tout à fait. Et donc en effet, depuis des années, on admire beaucoup tout ce que fait Boston Dynamics en termes de locomotion. Je reviendrai souvent, je pense, sur ce sujet. En termes de locomotion, bipède et même à roue maintenant, ils font des choses, quadrupèdes, ils font des choses que, c'est vrai, personne ne sait faire. Et alors pour les chercheurs, en effet, il y a un côté déprimant, mais il y a aussi un côté, c'est possible, un côté très rassurant. Les chercheurs y arrivent, pour l'instant c'est secret, ils publient très peu, mais en même temps c'est très rassurant de voir qu'on va être capable de faire des robots bipèdes qui sont très stables et qui peuvent passer partout. Morgane Tual, quel est le point d'excellence selon vous de cette entreprise Boston Dynamics? Est-ce qu'elle est méritée? Est-ce qu'elle a cette ampleur que décrivait le roboticien que je citais tout à l'heure? Alors oui, effectivement, on le voit ici, la plupart des roboticiens, tous les roboticiens, je pense, du monde, suivent de très très près les exploits de Boston Dynamics. Là où ils sont géniaux aussi, c'est qu'ils ont un excellent plan de communication, puisque effectivement, ils sont très secrets, donc ils open source pas leurs robots, évidemment, ils sont pas accessibles à tous, ils donnent pas le code source et ce genre de choses. En revanche, ils publient régulièrement des vidéos de leurs derniers exploits, et c'est des vidéos qui à chaque fois sont extrêmement impressionnantes, qui fonctionnent très très bien auprès du grand public et qui vont accumuler des millions de vues sur YouTube, qui génère à la fois de l'émerveillement et aussi de la peur, de la terreur parfois, et qui fait que c'est une entreprise qui est devenue très célèbre au-delà du petit monde de la robotique. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la qualité de leur plan de com, parce qu'en effet, à chaque fois, il y a à boire et à manger dans ce qu'on voit. Tout à fait. Jean-Paul Laumont, votre opinion sur ce sujet ? Oui, alors effectivement, c'est tout à fait spectaculaire. Ce que je voudrais rappeler, tout simplement, c'est que Boston Dynamics a été fondé par Mark Rebert, qui est un chercheur du MIT et qui, dans les années 80, travaillait donc au MIT déjà sur l'équilibre des robots. Et en particulier, sa prouesse lorsqu'il était chercheur au MIT avait été de faire un unijambiste qui était capable de faire des sauts périlleux. Donc, vous voyez, ça signifie que pendant plus de, plus de 30 ans de recherche, c'est 30 ans de recherche consacrés, Rodolphe Gélin l'a rappelé, à la locomotion des robots. Et effectivement, là, ils ont une avance assez considérable qui est dupliquée par, ça vient d'être évoqué, par un excellent mode de communication. Vous évoquiez le fait que la société vient d'être rachetée par SoftBank. Il y a un autre petit détail. Le SoftBank a racheté une deuxième société qui s'appelle Shaft. Tout à fait. Et qui a exactement les mêmes compétences et elle est d'origine japonaise. Et travaille exactement dans le même secteur, c'est-à-dire l'équilibre des robots humanoïdes. La contribution fondamentale donc de Boston Dynamics a été d'apporter des contributions sur l'équilibre des robots, la marche des robots, marcher dans des environnements tout terrain et tout. Maintenant, il faut garder présent en tête que la marche des robots, la locomotion des robots ne fait pas tout le robot. C'est-à-dire qu'un robot est destiné à faire d'autres tâches dans un environnement. Il doit par exemple manipuler des objets, il doit éventuellement communiquer. On pourra revenir sur ces grands fondamentaux Bien sûr. Du mouvement qui définissent les tâches d'un robot. Absolument. Pourquoi c'est si impressionnant et techniquement et visuellement cette spécialisation, cette excellence qu'a développée au fil des années Boston Dynamics dans la locomotion, Rodolphe Gélin? Pourquoi est-ce que la locomotion c'est un casse-tête pour les roboticiens? Alors c'est un casse-tête parce que ça c'est quelque chose que sur lequel nous travaillons tous depuis très longtemps. Jean-Paul dans son laboratoire il travaille aussi depuis longtemps et on arrive à faire des choses qui sont assez lentes, je dirais, alors que Boston Dynamics gère la dynamique, c'est-à-dire le fait que des objets qui sont lourds, assez lourds quand même, imposants, arrivent à se déplacer à une vitesse qui est similaire à celle des êtres vivants. Et en fait, c'est ça qui est très spectaculaire, c'est que ils ont toujours couru derrière une espèce d'anthropomorphisme ou de zoomorphisme, puisque tous leurs robots ont des formes animales ou humaines. Et donc, quand on voit ces machines-là, on voit vraiment des machines qui se comportent physiquement comme un être vivant dans une situation difficile. Et ça, c'est très, très, très spectaculaire de voir cette machine, parce qu'ils ne cachent pas du tout le fait que ce sont des machines. On voit bien que ce sont des mécaniques, mais en revanche, qu'ont des gestes tellement naturels qu'on se dit, ah, ça y est, ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris sur comment marche l'être humain ou l'être vivant pour l'implémenter dans une machine. Et ça, dès le départ, Jean-Paul Lomond l'évoquait à l'origine, Boston Dynamics, c'est une excroissance du Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT. Et dès le départ, Morgan Tual, au début, les premiers prototypes qui sortent de Boston Dynamics, c'est tout de suite effectivement des robots zoomorphes. Enfin, tout de suite, le but de Mark Rebert, c'est de dupliquer, de recréer la locomotion animale. Tout à fait, on a un espèce de robot araignée qui grimpe au mur. On a aussi un de ceux qui est le plus célèbre dans le grand public de Boston Dynamics, qui est le fameux Big Dog, suivi de Spot, qui sont des robots qui ressemblent un petit peu, on va dire, à des chiens qui sont sur quatre pattes, sans tête, qui ont cet air un petit peu effrayant, mais qui sont extrêmement impressionnants, qui marchent très vite sur des terrains accidentés, qui étaient conçus pour, à l'origine, le but c'était de pouvoir transporter des choses pour l'armée sur des terrains difficiles. Et puis on a eu Cheetah aussi après, beaucoup plus récemment, qui est aussi, lui aussi, sur quatre pattes, et qui est un des robots qui court le plus vite du monde, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est vraiment très très très impressionnant. Cheetah, pour guépard en anglais. On va vous mettre évidemment sur le fil Twitter de l'émission, les vidéos, parce qu'il faut les voir en mouvement, ces robots, pour voir à quel point c'est impressionnant. Jean-Paul Lomond, vous qui travaillez effectivement sur le déplacement, sur la locomotion, qu'est-ce que Boston Dynamics a su développer dès ses premiers robots? On va parler de ce qu'on appelle la mule, c'est-à-dire le Big Dog, son Big Dog qu'on voit maltraiter, qu'on voit repousser, le pauvre se prend des coups de bâton pour on essaie de le faire tomber, et bien il glisse sur de la glace, il arrive à se relever. Quel est le secret du savoir-faire de ce laboratoire pour arriver à ce niveau de technicité dans la locomotion? Alors une première réponse, Rodolphe Gélin l'a souligné, on n'a pas nécessairement accès aux algorithmes, puisque in fine ce sont des algorithmes qui vont gérer la machine, tels qu'ils ont été implantés sur ces systèmes. Mais là où je voudrais insister, c'est essentiellement une marche dynamique, donc très spectaculaire, des systèmes très lourds qui sont extrêmement réactifs, qui peuvent marcher sur le verglas, mais j'allais dire qu'ils ne sont que réactifs. C'est-à-dire que si vous posez un problème de locomotion beaucoup plus difficile qui va enchaîner des marches d'escalier avec des rampes, par exemple, aucun des robots de Boston Dynamics ne va spontanément utiliser sa main pour utiliser une rampe. Une rampe d'escalier pour l'aider à monter. Ou bien, très spontanément, il ne va pas grimper à une échelle. Vous voyez, donc, tout est focalisé sur une fonction, qui est la fonction locomotion, qui est parfaitement maîtrisée d'un point de vue réactif, mais pas d'un point de vue strictement décisionnel. C'est-à-dire où il serait possible d'enchaîner plusieurs modalités de locomotion pour les combiner, comme nous le faisons, nous, tous les jours. Alors on voit, je vais me faire l'avocat, non pas du diable mais de Boston Dynamics, on voit par exemple sur un robot comme Cheetah, malgré tout la capacité à réagir devant des obstacles, puisque Cheetah qui est ce robot qui court très très vite, est tout de même capable de sauter des obstacles qu'on lui présente de manière aléatoire. Oui, ça effectivement, encore une fois, on est dans la réactivité. Qu'est-ce qui déclenche le saut, ça, nous l'ignorons aujourd'hui. On peut imaginer, par exemple, que c'est un opérateur avec un joystick. Pourquoi pas? Ou alors, c'est un système de perception extrêmement simple qui va permettre de franchir l'obstacle. Mais en aucun cas, ça ne pourra s'appliquer à des environnements beaucoup plus structurés qui vont nécessiter une forme de raisonnement sur le type de choix à effectuer, sur le mode de locomotion qu'on doit faire. Donc, il court, il saute. Et il enchaîne les deux modalités, on reste dans une forme de réactivité. Morgane Tuel. Et puis effectivement, oui, il y a une espèce de forme d'opacité qui est que, en fait, tout ce qu'on sait de Boston Dynamics, c'est les vidéos qu'ils veulent bien nous montrer qui durent quelques minutes seulement. Et donc, effectivement, à ce moment, pendant ces minutes qui ont été filmées, on a un robot qui fait quelque chose de spectaculaire. On n'a aucune idée de combien de fois le robot a été capable de le faire, dans quelles conditions il est capable de le faire. Peut-être qu'en fait, il est tombé 10 fois, 100 fois, peut-être qu'il tombe toujours. Absolument. Et qu'ils ont eu la fois où ça fonctionnait seulement et ils l'ont pris en caméra, dans des conditions de, pas vraiment de studio, puisqu'on voit qu'il marche à l'extérieur, mais peut-être qu'il a répété le geste des tas de fois. En fait, on n'en sait rien. Ça reste extrêmement impressionnant. A priori, on n'est pas dans le trucage du tout, ça montre que le robot est déjà capable de le faire au moins une fois, et déjà en ça, a priori, c'est vraiment très très très très très très, très impressionnant. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on voit un robot faire quelque chose pendant 3 minutes qu'il faut en déduire qu'en fait il est déjà capable de faire ça tout le temps, dans toutes les conditions, et lui prêter des choses qu'il sait pas faire, comme effectivement s'accrocher à une rampe pour éviter de tomber, ou ce genre de choses qui nécessitent encore d'autres compétences. Rodolphe Jean ? Oui, absolument, et c'est en ça que leur démarche n'est pas aujourd'hui complètement scientifique de notre point de vue, parce qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas d'évaluation sur la durée, il n'y a aucune équation. Donc en effet, et tous en robotique, on a fait ça, Jean-Paul et moi, voilà, on filme un jour la démo qui marche, on est très content, mais c'est vrai que c'est l'effet démo, le lendemain quand le PDG ou le client vient voir, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est vrai que ces vidéos, elles sont, voilà, elles nous donnent l'eau à la bouche, mais on est tous, et nous c'est une des raisons pour lesquelles on est content de se rapprocher d'eux, on va peut-être savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Mais alors je ne veux pas doucher vos espoirs, Rodolphe Gélin, mais néanmoins Google, qui vient donc de se séparer de Boston Dynamics pour le céder à SoftBank, reprochait, hein, on n'était pas très très content, les ingénieurs de Google disaient que Boston Dynamics c'était une sorte de forteresse, que les ingénieurs n'étaient pas tout à fait enclins à partager leur savoir et à travailler avec les ingénieurs de chez Google, qu'ils travaillaient en vase clos. Enfin, bon, tout ça, ça contribue à cette espèce d'image un peu d'opacité. Et on voit bien de remise en question un peu des prouesses techniques qui sont montrées dans ces vidéos que vous faites les uns les autres, Jean-Paul Lemont. Oui, je pense que la vraie raison concernant Boston Dynamics et son rapport à Google, c'est un problème de rentabilité. Quand on parle de Boston Dynamics et de ses fantastiques machines, nous sommes au début des recherches sur la robotique humanoïde. C'est-à-dire que avant que soient mis sur un marché quelconque ces machines-là, il y a encore à minima une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, pour que on arrive à des niveaux de certification, de fiabilité, Rodolphe Gélin en parlait, de tests, pour qu'il y ait réellement un marché potentiel qui s'ouvre. Il faut comprendre ici que nous sommes au niveau de la recherche fondamentale en robotique. Mais alors, c'est vrai et c'est faux, puisque décidément, je vais faire l'avocat de Boston Dynamics tout au long de cette heure, puisque il faut dire que les travaux de Boston Dynamics ont très vite été financés par la DARPA, qui est l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense aux États-Unis, que l'armée américaine a utilisé le fameux Big Dog sur un terrain d'opération en Afghanistan à partir de 2009. Donc, on est à la fois, certes, dans la recherche fondamentale, mais dans la recherche fondamentale avec une application très rapide tout de même, Rodolphe Gélin. Oui, disons qu'en tout cas, il y a une partie des fonctions, comme le disait Jean-Paul, qui sont démontrées, la locomotion. Donc sur un terrain en Afghanistan, on peut s'en servir. Après, on ne sait pas combien il y avait d'ingénieurs de Boston Dynamics pour faire marcher la mule et combien il y a d'ingénieurs pour la réparer le soir. Voilà, tout ça, c'est le grand secret, mais ça n'enlève rien à leur performance. Aujourd'hui, pour moi, c'est un bureau d'études qui lève, comme dit Jean-Paul Lemont, des verrous scientifiques et technologiques extraordinaires. Donc c'est très très rassurant pour toute la communauté scientifique. Ça veut dire que c'est possible. Maintenant, il y a énormément de travail encore pour en faire des produits. Nous, souvent, on cite ça, que la centrale inertielle qui est utilisée sur Atlas, sur le humanoïde. Atlas, c'est le robot humanoïde d'un mètre 90 à peu près. Voilà. Et la centrale inertielle, on va mettre encore une fois les vidéos. Vous allez voir, c'est une espèce de cylindre, mais qu'on peut apercevoir sur cette de mule aussi. Oui, voilà. Et donc cette centrale inertielle qui permet au robot de voir, d'évaluer son propre inclinaison et donc gérer son équilibre, elle coûte le prix d'un de nos robots entiers. Donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, de marché. Voilà. C'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête pour voir. Je ne dis pas que c'est plus facile du coup de faire ce qu'ils font, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie et que les robots que PepSoftBank Robotics fait pour l'instant. Oui, c'est vrai que l'armée, Boston Dynamics, concevait des produits pour l'armée, mais qui finalement en fait n'a pas acheté au final. Donc c'est un peu le problème, c'est que l'armée américaine a plein de moyens, donc aurait pu rapporter beaucoup d'argent à Boston Dynamics et à Google, mais finalement en fait ça n'a pas fonctionné. On s'est rendu compte que Big Dog, cette espèce de chien à quatre pattes un peu bizarre, finalement il faisait énormément de bruit. Si vous voyez la vidéo là sur Twitter, c'est un bourdonnement infernal. Oui, c'est un moteur de karting, il faut dire, qui propulse. Donc évidemment ça fait un bruit de voiture de kart. Voilà, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Et puis, comme vous disiez, Monsieur Gélin, effectivement, on ne sait pas derrière combien il y a besoin de maintenance sur le terrain, donc ce n'est pas forcément l'idéal. Donc effectivement, même les applications militaires, a priori, ont pas fonctionné. Alors peut-être plus tard, en tout cas, là, dans un premier temps, ça n'a pas fonctionné sous l'ère Google. Il faut comprendre qu'on en reste encore au niveau des prototypes, au niveau des prototypes de robotique. On est très loin encore du produit qui pourrait trouver un marché, y compris dans l'armement. Alors, on en est certes au niveau du prototype. On va continuer à décrire un peu, parce que on a parlé donc de ces robots à quatre pattes qui sont capables d'évoluer sur des terrains accidentés. On a parlé de ces robots à quatre pattes qui sont capables d'évoluer, de se faire bousculer, voire de ceux qui tombent et qui arrivent à se relever. Aujourd'hui, récemment, depuis 2013, toujours avec le concours de la DARPA, Boston Dynamics s'est mis au robot humanoïde avec Atlas. Pareil, on vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos qui viennent d'être publiées sur les fils Twitter de l'émission. Rodolphe Gélin, Atlas, c'est un robot, donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, humanoïde. C'est un robot qui peut monter des escaliers. C'est un robot qui ne perd pas l'équilibre quand on le déstabilise. Alors, quel que soit le nombre d'ingénieurs qu'il y a dehors et quels que soient les biais qu'il puisse y avoir sur les vidéos, en termes de prouesse technique, c'est du jamais vu. Néanmoins. Absolument. Comme disait Morgan tout à l'heure, quand tout le monde voit ça, tout le monde rêve. On se dit, nous, tous les roboticiens, on se dit... voilà, si on savait faire ça, on serait vraiment très fort. Il n'y a rien à dire, ils sont très loin devant nous. Mais cette vidéo Atlas, elle a eu aussi, même chez nous qui sommes des amoureux des robots humanoïdes, ses détracteurs en disant, mais quelle relation homme-machine y a-t-il entre cet humanoïde et les gens qui l'entourent, où ils sont avec des crosses de hockey à lui taper dessus, à lui faire tomber la boîte qu'il a dans les mains, à le bousculer. Donc c'est vraiment une... C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont un peu martyrisés, ces pauvres robots, parce qu'on n'arrête pas de leur mettre des coups de pompe pour les faire tomber. Et que même les ingénieurs qui travaillent avec n'osent pas s'en approcher pour le bousculer. Donc voilà, pour moi, c'est une des grosses erreurs de communication qu'a fait Boston Dynamics en voulant s'adresser à notre communauté des chercheurs en robotique, où on est en effet pour tout le reste, et même au sein de notre communauté, ça a eu ces détracteurs, cette vidéo. Oui, il y a même un auditeur sur Twitter qui nous dit qu'il trouve que les vidéos lui font plutôt peur, et c'est vrai qu'ils sont un peu effrayants, ces robots. Mais alors, c'est quelque chose d'intéressant, Morgan Tual, parce que ça a été théorisé, ce côté effrayant du robot, c'est la vallée de l'étrange, ça a été théorisé par un roboticien japonais dans les années 70. La vallée de l'étrange, que dit cette théorie? Elle dit que plus un robot s'approche de l'homme, plus il est parfait, plus il nous ressemble, et plus les micro-différences qu'il y a entre lui et nous créent du malaise. Or, ces robots-là, ils sont certes, Atlas est certes humanoïde, mais il ne ressemble pas du tout à un homme. Pourquoi est-ce que ça nous dérange, ces robots de Boston Dynamics, Morgan? Oui, parce que pour ces robots, effectivement, je pense qu'on n'est pas exactement dans la vallée de l'étrange où ce serait plus, effectivement, les robots qui ressemblent vraiment à l'homme, qui sont effectivement terrifiants. C'est pas vraiment le même genre de malaise. Là, je pense qu'un robot comme Atlas, bipède, fait plus appel à des choses qui, culturellement, en tout cas en Occident, nous font penser tout de suite à tout ce qui est Terminator, à tout le background de science-fiction avec lequel on a grandi. Et on va tout de suite prêter, en fait, ce genre d'intention destructrice à ce genre de robot. Et c'est assez étonnant parce que, par exemple, au Japon, qui est un pays ultra en avance sur la robotique. Sur l'acceptation de la robotique dans la société, en tout cas. Voilà, tout à fait. Mais parce que, en fait, ils ont un rapport aux objets qui est différent du nôtre. Beaucoup plus facilement, ils vont culturellement doter les objets d'une espèce d'âme ou ce genre de choses. Donc, c'est peut-être moins dérangeant là-bas de vivre avec des robots et de voir des robots qui prennent forme humaine que chez nous où, automatiquement, ça nous terrifie. Et il suffit de voir les tas d'articles de presse et qui évoquent à chaque fois, j'en arrive à appeler ça le point Terminator. Un article de presse sur la robotique aujourd'hui, sans le mot Terminator, c'est extrêmement rare. Alors même que il y a pas spécialement, c'est pas parce qu'un robot sait marcher sur deux pieds que ça va plus loin que ça, en tout cas aujourd'hui ou pas avant, des tas, enfin, qui puissent avoir des pensées par lui-même et encore moins des pensées destructrices. Oui, je pense qu'il aborde la vallée de l'étrange d'une autre façon, qui est que le comportement de la machine est extrêmement humain. Comme je disais, ses mouvements, ses réactions sont très très humaines. En revanche, son apparence ne l'est pas du tout. Humain ou zoomorphe. Hein, voilà, et il y a une telle différence entre l'apparence qui fait que, par exemple, Atlas, il n'a quasiment pas de tête, mais qui bouge exactement comme un être humain. On a l'impression de voir un être humain sans tête. C'est ça qui est donc... Pour moi, une autre acceptation de la vallée de la tranche, qui est que c'est pas l'apparence qui fait qu'il ressemble beaucoup à un humain, mais c'est son comportement. En revanche, son apparence est très très différente. Jean-Paul Lemont, à ce sujet, c'est un faux pas de Boston Dynamics d'avoir rendu ces robots si étranges et si inquiétants. Non, c'est pas un faux pas, ils pouvaient pas faire autrement. Je serais un petit peu plus nuancé que Rodolphe Gélin, ils ne marchent pas du tout comme des humains. Quand on les voit marcher, on sent leur puissance et leur dangerosité. Il n'y a aucune élégance dans la marche. Il n'y a aucune souplesse. Ce sont vraiment des machines en marche. Hein. Et en cela, non, ils sont très éloignés de nous. Et je pense que s'ils nous font peur, c'est que on a raison d'avoir peur. Ils sont dangereux si on les côtoie. Si on est à côté, ils sont dangereux physiquement, parce que s'ils tombent, ils pèsent très lourd. Ils ont des dynamiques très puissantes. Ils pèsent très lourd, ils pèsent. Alors, pour donner un ordre de grandeur pour les auditeurs, le Atlas pèse un peu plus de 80 kilos, ce qui, pour un humanoïde d'un mètre 90, c'est pas énorme non plus. La dernière version d'Atlas, en métal en mouvement, oui. Et à des vitesses, si vous percutez ce système, croyez-moi, il va faire mal. Hein. Les robots industriels qui vont avoir des qualités propres des dynamiques similaires et tout ça, on les maintient dans des cages aujourd'hui. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui d'avoir une interaction physique avec ce type de robot. C'est-à-dire, ce sont la dynamique est entièrement conçue pour la locomotion, mais absolument pas pour l'interaction. Donc, si vous voyez, si vous combinez ces deux facteurs, c'est-à-dire le manque de naturel de la locomotion, bien que ça soit une locomotion bipède, mais on sent bien que c'est une machine qui marche. Et on ne voit pas du tout derrière, encore une fois, comme je le disais, l'élégance d'une marche humaine qui pourrait éventuellement évoquer un phénomène de transfert en disant, voilà, il marche comme un humain. Non, il a une marche qui est vraiment mécanique. Donc tout ça peut être amélioré. Mais il marche comme un militaire avec ses Rangers quand même. Voilà, c'est ça. C'est une démarche. Bon. Et couplé donc avec cette dangerosité objective qu'on perçoit dans les vidéos. Qu'on perçoit, elles sont effrayantes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, par exemple dans la vidéo où le robot Atlas tombe et poussé et tombe par terre, il vaut mieux qu'il n'y ait pas un petit chat en dessous ou un petit bébé. On sent bien qu'il écraserait absolument tout et qu'il n'a aucune capacité, par exemple, pour amortir jusqu'à présent sa chute et tout. Je crois qu'un des problèmes fondamentaux de la robotique humanoïde, ça serait d'apprendre à tomber. C'est apprendre à tomber sans se casser. Donc là, il y a des premières expériences qui sont faites, mais on en est au balbutiement. Mais pour aller dans votre sens, pour une fois, Marc Reber, le PDG de Boston Dynamics, déclarait même à la présentation de son tout dernier robot qui s'appelle Handle, qui est là un robot alors vaguement humanoïde sur roues, qui est un grand, qui fait plus de 2 mètres, qui peut à la fois porter, sauter des obstacles, qui est là aussi, lui, techniquement très impressionnant, mais visuellement assez dérangeant. Marc Reber déclarait ceci. associé la première représentation de ce qui sera, à mon sens, un robot cauchemardesque. Ça veut dire que c'est devenu une marque de fabrique, finalement, de foutre la trouille avec ces robots. Morgane Thual ? Alors oui et non, parce que c'est potentiellement aussi ce qui a poussé, entre autres, hein, Google à s'en débarrasser d'une certaine manière, parce que Google, vous savez, c'est « don't be evil », donc Google veut absolument être vu comme une entreprise qui fait le bien sur Terre, et effectivement, Boston Dynamics, ben, ces robots, quelque part, ils effraient, donc du coup, c'est pas extrêmement rentable en termes d'image, donc ça, c'est pas vraiment super bon. En revanche, on se rend compte que dans les grandes entreprises d'intelligence artificielle, notamment, mais aussi de robotique, il y a cette volonté, justement, de marquer les esprits. On sait qu'on va faire peur, et on sait que tout à coup, on gagne en termes d'image, de puissance. C'est-à-dire que tout à coup, on devient un peu les maîtres du monde, on maîtrise quelque chose que les autres ne maîtrisent pas. On sait très bien qu'auprès du grand public, toutes ces questions-là ont un impact énorme, qu'il y a énormément de fantasmes là-dessus. Donc ça peut être une stratégie de communication qui, à la fois, bah, qui a des bons effets, cette notion de puissance, et à la fois des mauvais effets, parce que les gens ont peur, et que des entreprises comme Google n'ont pas envie de faire peur aux gens. Et puis, il y a aussi une composante financière, hein, vous le disiez, Boston Dynamics, ce sont des robots qui coûtent très cher, Rodolphe Gélin, à plus de 1 million, 2, 3 millions à l'unité, au prototype, c'est très cher, même s'ils sont dans une dynamique de réduction des coûts. Ça veut dire que maintenant, SoftBank va pousser l'entreprise à réduire, à faire des robots moins chers, à faire des robots moins agressifs. Quelle est la stratégie, à votre avis? La stratégie, en tout cas, quand SoftBank est venu nous voir, nous, c'était pour qu'on fasse de la production en grande série. Donc, en effet, pour ça, nous, on a travaillé très dur avec eux et avec leurs partenaires pour baisser nos coûts, à une échelle qui est évidemment bien moindre. Mais de la même façon, les robots qui sont envisagés de Boston Dynamics, ça sera sans doute pas des robots personnels qu'on achètera à 2000 euros un jour ou l'autre. Mais néanmoins, il va bien falloir, pour faire de la grande série, industrialiser, avoir des nouvelles approches, choisir des composants différemment, peut-être réduire quelques performances aussi en fonction du cahier des charges qui va s'affiner. Et ça, c'est un très très gros travail. C'est pour ça, quand Jean-Paul Lemont parlait de 10 ans avant d'avoir des produits, je pense que c'est des bons ordres de grandeur. Parce que Google a revendu la DARPA, donc l'agence américaine d'armement, est sortie aussi de Boston Dynamics. Ça veut dire, Jean-Paul Lemont, que Boston Dynamics va être un peu dans une sorte de trou d'air, qu'on va lui dire maintenant, vous ne continuez plus ce type de process d'innovation technologique, qu'il va falloir trouver de la production en série, réduire les coûts, changer l'approche à la recherche et aux machines. Qu'en pensez-vous? Alors moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il regagne un giron japonais. Et là, on a parlé énormément de Boston Dynamics et de toutes les prouesses, mais les Japonais sont beaucoup plus discrets. Vous avez quand même Honda qui est avec son robot Azimo, qui a des performances. Alors c'est un autre robot qui est beaucoup plus sympathique. Ah oui, hein, il est plus sympathique, indiscutablement. Et qui a une démarche, justement, je reprends le commentaire que je faisais sur la démarche, beaucoup plus élégante. Hein, où il y a un travail là qui est fait vers des modes d'interaction. Vous prenez Toyota, qui avait sorti en son temps des robots partenaires qui étaient capables de jouer du violon ou de jouer de la trompette et d'avoir un orchestre, que ce soit des robots humanoïdes à roues ou des robots humanoïdes à pattes. Et puis là, cette petite société Shaft, qui a été quand même parmi les premiers du grand challenge DARPA dont on parlera peut-être tout à l'heure, hein, qui a mis en compétition donc plusieurs plateformes de robotique, et je crois savoir, enfin en tous les cas, que Shaft était largement au niveau, si c'est pas devant Atlas, hein, Atlas, le robot de Boston Dynamics. Ouais. Atlas, le robot de Boston Dynamics. Donc, ce qui peut me sembler intéressant, c'est cette acquisition donc par une société japonaise passer, si vous voulez, de l'ouest à l'est, si je peux m'exprimer comme ça, ça peut être intéressant de voir quelle va être la politique qui va être menée, justement, à partir du savoir-faire de Boston Dynamics. Mais là, on n'a aucune information là-dessus, bien sûr. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Trois soldats cachés dans l'herbe légère, trois soldats couchés sur un champ de guerre. Alors qu'à l'entour s'étend le silence, rêve à la chance, rêve à l'amour. L'herbe est douce, le soleil léger, notre drapeau d'arbre parmi les bleuets. L'oiseau chante, ne l'effrayons pas. De l'autre côté, trois soldats de même pensent à l'été, à tous ceux qu'ils aiment. Ils rêvent aussi quand vient le silence, rêvent à la chance, rêvent à la vie. L'herbe est douce, le soleil en fleurs, le coquelicot et notre couleur. L'air est calme, ne le troublons pas. Les journaux crieront aux gens qui s'égarent, calme sur le front, l'assaut se prépare. Mais les six soldats sur leur lit champêtre, eux diront peut-être en croisant les bras: vous messieurs de l'état-major, si le cœur vous dit attaquez le fort, nous on reste, on est trop bien là. Soldat de Juliette Gréco, il est 16h30, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Six soldats, puisque nous parlons des applications militaires de la robotique avec la revente la semaine dernière du laboratoire Boston Dynamics par Google au japonais SoftBank. Nous en parlons aujourd'hui avec Rodolphe Gélin, qui est vice-président exécutif chargé de l'innovation chez SoftBank Robotics, qui est ex-Aldébaran, une entreprise qui a été elle-même de robotique rachetée par SoftBank il y a 2 ans, c'est ça ? Nous en parlons avec Morgane Tual, journaliste au pôle Pixel du journal Le Monde, et en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Toulouse avec Jean-Paul Laumont, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse. Je vous encourage vivement à suivre en parallèle cette émission sur Twitter, puisque quand on parle de robots et surtout de ces robots un peu terrifiants de Boston Dynamics, il est bon de voir à quoi ils ressemblent, et vous pouvez le voir grâce aux vidéos que nous postons en direct pendant l'émission sur le compte de l'émission @laméthodefc. Alors, il n'y a pas que Boston Dynamics qui développe de la robotique à vocation militaire. Nous faisons ça aussi très bien en France. Et oui, bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas fait l'armée, mais ça ne vous a pas empêché d'aller jeter un œil sur des machines conçues par l'entreprise Nexter Robotics. Oui, Nexter Robotics, qui fabrique entre autres le robot Nerva, qui est un robot utilisé notamment par les forces spéciales françaises en opération, mais aussi par le GIGN ou encore les pompiers. En fait, il s'agit d'un robot modulable, essentiellement utilisé pour des missions de reconnaissance, de détection ou de surveillance. J'ai donc rencontré Joël Morillon, qui est le directeur général délégué de Nexter Robotics. Il m'a fait la démonstration des capacités du robot et m'a expliqué pourquoi l'armée est aujourd'hui obligé de prendre le train de la robotique. Ici, on est dans une des unités de Nexter Robotics, donc qui est plutôt dédiée aux petits robots. Donc, un petit robot, c'est quelque chose qui va avoir des roues, des chenilles, qui fait quelques kilos, qui va être très utilisé par les unités spéciales, par exemple, donc notamment celles qui sont projetées par les forces françaises. Ici, donc, on va être dans une zone d'intégration, d'évaluation, de conception. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel électronique. On a également ici des imprimantes 3D donc pour développer très très rapidement en fait un nouveau module donc qui se monte sur le Nerva de manière à valider avec le client que ça correspond bien à son besoin. Donc le robot Nerva, donc en voilà un. Donc c'est comme une grosse voiture téléguidée. Voilà, donc le système de base, donc ça va être ce véhicule, une petite tablette de télécommande. Donc le système peut être contrôlé avec des choses qui ressemblent à effectivement une petite liseuse, une tablette comme vous l'avez dit, ou bien d'un PC, depuis un PC, ou bien depuis également un smartphone. Hein, donc tout va dépendre un peu de l'utilisation qu'on en fait sur le terrain. Ensuite, le robot lui-même, donc de base, est équipé de 4 caméras, hein, une de chaque côté. On va pouvoir le configurer très rapidement sur le terrain avec des roues ou des chenilles. Et en 5 secondes, donc je vous reconfigure le robot avec des chenilles. Donc le robot que je rééquipe avec ses roues, Il démarre en moins d'une minute et on va avoir donc les fonctions de base qu'on aperçoit ici, donc un ensemble de caméras. Donc premier intérêt, c'est d'aller jeter un œil donc dans une zone dont je sais pas grand chose. Donc là, le robot est parti dans le couloir. Voilà. On le voit plus, mais on suit son cheminement grâce à la caméra intégrée. Et si je suis un membre des forces spéciales et que j'ai besoin d'explorer ce bâtiment, donc avant de m'engager, bah, finalement, je vais projeter mes yeux et mes oreilles, hein, donc si j'avais le casque adapté. Ensuite, donc si on parle de la polyvalence, donc on va avoir la possibilité de lui ajouter un certain nombre de modules. Donc, j'en vois un ici que je vais m'approprier. Donc ça va être une caméra thermique. Donc une caméra qui permet de détecter donc la chaleur d'un corps humain par exemple, hein, donc quelle que soit la luminosité ambiante, hein, en particulier de nuit. Donc là vous avez vu que j'ai installé le module à nouveau en 3 secondes, hein, donc tout est plug and play. Le système a automatiquement détecté donc qu'il était équipé en fait d'un nouveau module, hein, d'une caméra thermique, et vous avez donc maintenant immédiatement accès à cette capacité, hein. Donc vous voyez que donc notre collègue ici a le visage plus chaud que le reste, et donc s'il était perdu dans un environnement quelconque, hein, finalement j'aurais la possibilité donc de le détecter très très rapidement. En fait, on a besoin aussi de mener une réflexion du bas vers le haut. Donc, je m'explique, hein. Donc, c'est assez facile de partir du besoin militaire et puis d'essayer de loger du robot, finalement, pour prendre la place de l'homme quand ça paraît pertinent. Mais on s'aperçoit aussi que ces robots ont des caractéristiques très, très différentes. On peut avoir des machines très petites, hein. Et finalement, on peut réfléchir dans l'autre sens en se disant, mais si j'examine ces technologies, est-ce que ça ne me donne pas la possibilité d'influencer la doctrine, de modifier la doctrine militaire ? Donc, est-ce qu'en partant de cette technologie, de ces nouvelles capacités, je ne peux pas imaginer une autre façon, finalement, de combattre sur le terrain ? Donc, pour illustrer ça, je vais vous montrer parmi les différents modules donc qui existent, hein, donc je vous ai parlé effectivement de ces capacités de reconnaissance, de détection, de contamination diverses et variées. On a des choses aussi un petit peu différentes. Donc celui que je vous montre là donc combine un haut-parleur donc très puissant avec un microphone et va donner la possibilité à des unités comme le GIGN ou le RED par exemple de communiquer à distance donc avec des terroristes ou des victimes, hein, donc pour des unités de pompiers, de secours. Donc ce module que je vous montre, hein, combine un haut-parleur et un microphone donc pour ce genre d'application. Ce que j'ai monté sur le robot pour illustrer justement ces nouvelles capacités, c'est un système laser, donc un petit peu bruyant là, mais qui va finalement, pendant que le robot se déplace, fabriquer un plan, une carte de l'environnement. Donc là, l'intérêt, alors on le sent, hein, donc c'est typiquement je suis à nouveau une unité spéciale, donc j'ai besoin d'investir un bâtiment. Alors certes, ça m'intéresse d'avoir une caméra thermique, par exemple, pour détecter des éventuels intrus, mais il est aussi intéressant de connaître la configuration des lieux. Et donc, ce module permet effectivement de faire ça en temps réel. Donc là, vous avez vu un de mes collègues qui passait devant. Le système l'a aussi détecté, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a créé un plan du monde, donc on pourrait le laisser à poste, hein, donc le laisser immobile. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un mouvement, quelque chose qui se déplace sur la carte, le robot va le détecter et va pouvoir informer, par exemple, son opérateur. Nous, on est Nexter Robotics, on est avant tout focalisé, concentré sur la réponse à un besoin opérationnel. Et le besoin opérationnel, il est malheureusement aujourd'hui, en fait. C'est la raison pour laquelle on va rester pendant un certain temps sur des applications plus conventionnelles, hein, une mobilité plus conventionnelle, donc à roue ou à chenille, hein, comme celle que vous avez aperçue là. Après, on va avoir des modes de mobilité un petit peu étendus. On peut imaginer une combinaison de roues-chenilles, on peut imaginer... Mais on reste assez classique parce que il y a encore besoin de nombreuses années de développement avant que la mobilité humanoïde donc, soit réellement crédible et opérationnelle sur le terrain. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp sur ce robot Nerva développé par Nexter Robotics. Une réaction chacun d'entre vous, Morgane Tual, à ce reportage que vous venez d'entendre ? Oui, bah c'est très intéressant et puis du coup ça casse aussi un autre fantasme, enfin fantasme, une autre inquiétude en tout cas concernant les toujours cette peur des robots tueurs. C'est vrai que l'armée utilise déjà des robots, on voit que là on est dans des utilisations qui pour le moment voilà, on est plus sur de repérage ou des choses comme ça, mais effectivement il va falloir se méfier pour la suite. Rodolphe Gélin, je voulais prendre des notes. Oui, parce que ce que j'aime bien dans l'espèce d'inventaire qu'a fait Joël Morillon sur les accessoires qu'on met sur son robot, c'est qu'il montre que la locomotion, les roues et les chenilles, c'est une chose, mais c'est juste un moyen. La fonction, le service qui est rendu par le robot, il vient avec ce capteur de laser, avec le micro, avec le haut-parleur. Voilà. Et donc, on voit très bien par ces exposés-là que la locomotion sur laquelle Boston Dynamics s'est spécialisé, ça n'est qu'un tout petit morceau, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, du service qu'un robot va apporter. Ce que disait d'ailleurs à la fin du reportage Joël Morillon, c'est-à-dire il disait sur les modes de locomotion, il reste encore de nombreuses années de développement avant de pouvoir produire à la chaîne des modèles qu'on mettrait sur le terrain. Jean-Paul Lomond, une réaction à ce reportage? Oui, absolument. Si vous voulez, ce reportage invite à prendre un tout petit peu de recul et peut-être à essayer de comprendre ce qu'est un robot. C'est très très difficile peut-être de le définir, mais c'est avant tout une machine qui est en mouvement. Et si on bouge, c'est pour trois fonctions principales, qui sont des fonctions de communication, des fonctions de manipulation d'objets, et de personnes. Des fonctions de manipulation de personnes éventuellement, et des fonctions de déplacement. Avec Boston Dynamics, on s'est concentré donc sur le déplacement, et c'est pas un déplacement à roue, c'est un déplacement, bipède. Mais il reste que c'est globalement ces trois fonctions principales qui vont caractériser un robot, et on va y parvenir par un couplage de capacités sensorielles, c'est-à-dire estimer l'état dans lequel on est, et de capacités motrices qui vont permettre de décider du mouvement pour une action qui a été déterminée. Et là, je voudrais insister simplement sur ce point. Quand on parle de système d'armes autonomes létales, je voudrais interroger le terme autonomie. Parce que quand on l'utilise comme ça, c'est-à-dire qu'on a tout de suite tendance à dire le robot prend la décision de tuer. Non, le robot ne prendra jamais aucune décision de tuer. Il faut comprendre que le robot est une machine automatique dans un univers qui est complètement fermé, et celui qui prend la décision de tuer, c'est celui qui l'envoie sur le champ de bataille, qui va désigner la cible, comme aujourd'hui un missile. Un missile est un système complètement automatique, vous désignez la cible même si elle est mobile, et vous avez un système automatique qui fait que le missile tombe sur le... Mais on va... je vais renvoyer Jean-Paul Lomond pour compléter ce que vous dites. Nous avions consacré une émission entière aux armes de demain et aux armes autonomes. Nous allons vous mettre le lien sur le fil Twitter, et où il était effectivement justement question de ce que vous évoquez, de cette décision ou non, de cette autonomie dans la prise de décision d'ouvrir le feu contre une cible ennemie. On en avait abondamment parlé. Ce que je voulais aborder pour parler encore quelques minutes, mais pas trop longtemps, de la robotique militaire, c'est que ça fait quand même de nombreuses années qu'on nous promet un champ de bataille complètement ou partiellement robotisé, qu'on nous prédit l'arrivée de robots d'accompagnement des militaires, de soldats qui viennent, de machines qui viennent en repérage ou qui vont extraire des militaires blessés, etc. Alors même s'il est indiscutable que les robots sont aujourd'hui présents sur les champs de bataille, malgré tout, nous n'en sommes pas arrivés à la robotisation encore de cet espace militaire. Ça veut dire qu'on, parce que c'est un espace très fantasmatique, Morgane Tual, que ça va arriver, que ça met plus de temps, qu'on a du mal finalement à passer à la production en série. En fait, effectivement, on n'est pas sur ce genre de champ de bataille comme on avait pu l'imaginer auparavant, mais c'est la même chose. On nous dit depuis très très très longtemps maintenant que les robots vont être très vite dans les maisons et assister les personnes âgées, tout ça. Et en fait, c'est toujours pas le cas. Ça le sera peut-être un jour. Ils sont beaucoup plus sur YouTube que dans les maisons de retraite, en l'occurrence. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ou alors ça dépend quel type de robot aussi, parce que y a de quoi on parle effectivement, de quel type de robot on parle. Là, on a des intelligences artificielles comme Alexa ou tous les systèmes qui se mettent dans les maisons maintenant, alors qu'ils ne bougent pas pour le coup, mais qui sont des assistants virtuels. Donc ça se développe, mais le coup du robot qui va vous aider dans votre quotidien ou aider une personne âgée, ça pour le coup ça s'est pas vraiment fait, parce que et l'aspirateur Et l'aspirateur, votre c'est aspirateur vrai. Qui tourne tout seul dans mais votre tout à salon. Fait, mais ça c'est une excellente réflexion, parce qu'en fait la robotique et l'intelligence artificielle s'invitent dans notre quotidien, mais pas forcément comme on l'imaginait, et pas forcément avec le spectaculaire qu'on pouvait imaginer auparavant, même si effectivement elle est là. Alors on n'est pas sur des robots qui aujourd'hui remplacent des humains pour aider d'autres humains. Est-ce que ça viendra à l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à ce qu'on avait imaginé et là où on en est aujourd'hui, ça demanderait des compétences de robotique qui sont extraordinaires et sur lesquelles il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, hein. Ça a été dit plusieurs fois pendant cette émission. Que ce soit sur le champ de bataille ou ailleurs. Oui, Jean-Paul Lemont ? Oui, c'est un point sur lequel je voudrais rebondir, parce que on interroge l'imaginaire, mais quand vous achetez un aspirateur automatique, vous achetez bien un robot. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il a des fonctions perceptives, vous n'avez pas à programmer les trajectoires qu'il a à faire dans votre appartement, et il est capable d'aller se recharger tout seul, donc il a une évaluation de son état, et il sait aller se recharger tout seul, et il continue. Les gens qui achètent un aspirateur automatique ne sont pas effrayés par le fait qu'ils achètent un robot qui va leur échapper. Donc effectivement, ces technologies-là pénètrent notre quotidien par d'autres endroits que par l'imaginaire. Mais néanmoins, Jean-Paul Lemont, c'est pour rebondir sur ce que disait Morgane Tuel, c'est vrai qu'on nous a promis, de même qu'on nous a promis un champ de bataille robotisé, on nous a aussi beaucoup promis ou vendu le rêve de l'assistant personnel, de la robotique dans le service à la personne, que ce soit dans des maisons de retraite ou comme interface dans des espaces de vente ou dans des espaces où finalement l'opérateur humain est de moins en moins utile. Or, il y a encore beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'espace avant que nous n'en arrivions là. Ça n'est pas encore la réalité ni technologique ni de notre présent. Mais absolument, et je voudrais insister sur la difficulté, et je laisserai surtout Rodolphe Gélin commenter ce point-là, puisque c'est vraiment son travail, ce champ d'application répond vraiment à son travail. Je voudrais insister sur les trois fonctions que j'ai rappelées, communication, manipulation et déplacement. La communication, finalement, n'est que du traitement de l'information. Donc, vous pouvez aujourd'hui, avec votre téléphone portable, poser une question oralement et vous avez aussitôt Wikipédia qui s'affiche sur votre téléphone et qui répond à ça. Donc, le traitement de la parole, ou bien vous pouvez envoyer un texto simplement par la parole. Ça, ce sont des techniques de l'information et de la communication qui vont équiper les robots pour communiquer, vous pouvez parfaitement équiper ça. Mais c'est pas la spécificité de la robotique. La spécificité de la robotique, c'est la gravité. La gravité, c'est-à-dire la machine est soumise à la gravité, c'est-à-dire au rapport de force d'une machine qui est ancrée sur le sol. Et la maîtrise, on l'a vu avec la locomotion donc de Boston Dynamics, la maîtrise de cette fonction est extrêmement difficile. Et la manipulation d'objets, par exemple prendre une bouteille, on sait faire dans les laboratoires aujourd'hui un robot avec trois doigts qui va prendre une bouteille. Mais de là à avoir une machine parfaitement intégrée, robuste, fiable, qui puisse vous rendre des services, encore une fois, pas seulement de communication, mais aller ouvrir un réfrigérateur et prendre une bouteille pour vous la servir, on en est encore très très loin. Et en particulier, l'autre difficulté, c'est que si vous avez un robot chez vous, il y a une possibilité d'interaction physique, et cette interaction physique n'est pas maîtrisée. N'est pas encore maîtrisé dans les technologies que nous sommes en train de développer. Donc on n'est pas prêt de les voir dans notre quotidien pour remplir ces fonctions-là. Pour remplir des fonctions de communication, c'est-à-dire le petit robot qui se déplace, qui est porteur d'une caméra, qui surveille un environnement, mais qui de fait n'agit pas dans l'environnement en tant que tel, mais simplement sert de vecteur de communication, oui, ça c'est prêt, et je pense que Rodolphe Gélin pourra en parler. C'est le parangon, c'est le robot Pepper de SoftBank Robotics. Alors, Rodolphe Gélin, justement. Alors oui, donc je voulais dire qu'il y a quand même des robots qui commencent à apparaître dans notre vie quotidienne, mais des robots humanoïdes, donc le robot Pepper. Donc c'est justement comme disait Jean-Paul, notre produit chez SoftBank Robotics, c'est ce robot Pepper qui est destiné à accueillir des gens dans des lieux publics. Mmh. Donc au Japon, on commence à en voir, et quand vous vous promenez au Japon, vous avez de fortes chances de croiser un robot humanoïde dans les magasins, dans les aéroports où vous irez. Donc ça commence à arriver, c'est vrai que... Mais au Japon, dont on disait tout à l'heure qu'ils ont un rapport avec la robotique qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins complexe que celui qu'on peut avoir en Europe. Oui, je vous dirais que nous, on l'a lancé là-bas parce que SoftBank est japonais, donc ils voulaient que ça soit leur pays qui soit le premier. Mmh. Mais on va bientôt faire... On a fait déjà des essais en France, dans des carrefours, à la SNCF. Voilà, on commence à avoir aussi des expérimentations dans nos cultures, et c'est très bien accueilli aussi. Le tout, c'est de bien trouver l'endroit où on met le robot. Il ne faut pas que le robot apparaisse comme une menace qui prenne un emploi, mais s'il apparaît là comme apportant un service que personne ne rendrait si le robot n'était pas là, ben il est bien accepté, les gens ça les amuse. Et donc c'est une arrivée progressive. Donc il y a d'un certain côté les Alexa et autres assistants cognitifs personnels, il y a les robots aspirateurs, et puis commence à y avoir Pepper aussi. Alors Pepper, racontez-nous, décrivez-le-nous un peu, puisqu'on va mettre son image évidemment sur le fil Twitter, mais pour nous... Donc Pepper, c'est un robot humanoïde avec une tête, des bras et une espèce de jupe qui cache ses roues, parce qu'il n'a pas de jambes, et qui fait 1m20, et il est doté d'une tablette sur la poitrine. Et de cette façon, c'est un objet, dès que vous le voyez, vous avez envie d'interagir avec lui, vous avez envie de lui parler, de lui dire bonjour, lui poser des questions. Et c'est ça que nous, on teste, et on voit que cette technologie est vraiment très très bien acceptée par tout le monde. Elle n'est pas vue du tout comme un objet effrayant, mais comme un objet qui va distraire les gens, au mieux dans les grands magasins. Les gens s'amusent avec, soit ils passent devant sans faire attention. Donc on s'aperçoit que il n'y a pas que les Japonais, nos cultures aussi sont prêtes à voir ces objets apparaître dans notre regard. Mais Pepper est, comme le disait Jean-Paul Lemont, un robot de communication exclusivement. Essentiellement. Alors aujourd'hui, nous à l'innovation, dans mon équipe, au département dont je m'occupe, on cherche justement à aller un petit peu plus loin dans ce qu'on attend vraiment du robot, c'est-à-dire qu'il aille manipuler des objets, qu'il aille nous chercher une bouteille dans le frigidaire. Alors je ne dirais pas comme Jean-Paul Lemont que c'est très très loin, je dirais que c'est loin, mais on va au début avoir des objets que le robot sera facilement capable d'attraper, on va l'aider un petit peu on va un petit peu aider à adapter l'environnement à ce que le robot saura faire, et petit à petit ce robot va de plus en plus interagir aussi, pas seulement avec les gens mais aussi avec les objets. Morgane Tuel, vous y croyez vous à quel terme, à court terme, moyen terme, très long terme, cette machine universelle, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui on sait spécialiser un robot dans la communication, on sait spécialiser un robot dans la locomotion, on sait spécialiser un robot dans l'interaction, mais on ne sait pas faire la machine qui fera tout. Vous la voyez arriver à quel terme, vous ? Alors, j'ai c'est vraiment une fine observatrice de la vie des nouvelles technologies. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas de boule de cristal. Et vraiment, de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec tous les roboticiens que j'ai pu rencontrer, les chercheurs en intelligence artificielle, tout le monde me dit on est à la préhistoire de ça. Là, je parle de robots de science-fiction qui pourraient être à l'image de l'homme. De la machine universelle, oui. Ouais, c'est ça. Et là, a priori, on n'a pas vraiment le début de la moindre idée de comment est-ce qu'on pourrait arriver à ça. Donc peut-être qu'on n'y arrivera jamais, peut-être qu'on y arrivera. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a des progrès phénoménaux qui sont faits, notamment en termes d'apprentissage, qui font bondir l'intelligence artificielle et avec la robotique. Mais on n'est pas dans des progrès, comme on pourrait l'imaginer, exponentiels. En fait, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est même pas une ligne comme ça, droite, qui pourrait avancer tranquillement et tout. Ça fonctionne par paliers. Il y a des moments où ça bondit d'un coup, puis après, on n'avance plus tellement. Et entre ce que pensait Alan Turing des progrès et annonçait dans les, je dis peut-être des bêtises, mais bon, dans les quelques petites dizaines d'années qui venaient, ce genre d'intelligence artificielle, finalement on n'y est pas du tout parvenu, et on est parvenu à d'autres choses qui sont tout aussi très intéressantes en tout cas. Alors vous me tendez deux fils déjà. D'une, on va renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément au deep learning et à ces machines qui apprennent par elles-mêmes, et demain nous consacrerons notre émission d'Histoire des sciences à Alan Turing précisément. Vous voyez que les choses sont bien faites. Mais tout de suite, il est déjà 16h52 sur France Culture, et comme chaque mercredi, eh bien, c'est l'heure d'entendre l'avenir de la recherche, peut-être ceux qui seront à l'origine de cette machine universelle quand nous serons, nous, dans une institution avec un robot assistant personnel pour nous aider, parce que nous serons beaucoup trop vieux. Bonjour Pierre-Henri Oréfis. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de doctorat dans les laboratoires U2IS de l'ENSA Paris Tech, LISA du CEA List et CNRS LIMSI à l'école doctorale interface de l'Université Paris Sud. Voilà, j'y suis, vous avez 4 minutes. Merci pour l'invitation. C'est à vous, mais soyez le bienvenu. Alors, je vais vous parler de la communication des émotions lors d'interactions tactiles avec les robots sociaux humanoïdes. Ma thèse commence par la présentation de chacun de ces termes. Alors, les robots sont de plus en plus présents dans notre quotidien et nous rendent toutes sortes de services, comme la manipulation d'objets, le transport ou l'exploration. Ceci de façon autonome ou en collaboration avec l'humain. Une autre tâche que peuvent effectuer ces robots est l'interaction sociale. L'interaction sociale permet à l'utilisateur de communiquer avec un robot de façon plus naturelle. Il existe ainsi des robots ludiques ou des compagnons pour les personnes âgées. Alors, la démarche générale de ma thèse est de comprendre l'homme pour créer le robot. Et ça rejoint un peu ce que disait M. Jolin en début d'émission sur le succès de la locomotion. Voici pourquoi. Si on copie le fonctionnement de l'humain, l'objet créé devrait avoir les mêmes capacités. Par exemple, en copiant la structure des jambes humaines, le robot devrait avoir la même amplitude de pas. De plus, cela permet de cacher la complexité des systèmes derrière des méthodes d'apprentissage de leur utilisation. Par exemple, en plaçant une jambe devant l'autre, le robot mesure son déplacement. Il apprend donc que c'est ainsi qu'il peut marcher. Enfin, les robots sociaux ont pour but d'évoluer avec l'homme dans son environnement. En étant similaire à l'homme, le robot est donc intrinsèquement adapté à son environnement. Par exemple, la taille des marches d'escalier a été conçue pour être en fonction de la taille des pas humains. En robotique sociale, il est important que le robot ait une apparence humaine de les personnes s'identifiant au robot. Il doit aussi être doté de capacités émotionnelles, c'est-à-dire qu'il peut à la fois mesurer l'émotion des gens et exprimer une émotion. En effet, l'émotion est un vecteur d'engagement dans l'interaction. L'émotion est un phénomène inconscient, primaire, qui a un impact sur la physiologie, le comportement, et elle est donc mesurable. Elle donne ainsi une représentation de l'état interne d'un individu, permettant au robot d'avoir une réponse plus adaptée à la situation. De nombreux moyens permettent de mesurer l'émotion, la physiologie comme le rythme cardiaque, l'expression faciale ou l'intonation de la voix. Mais le toucher est aussi efficace pour communiquer une émotion, et étudier cette modalité met à disposition une méthode complémentaire aux autres mesures. C'est la problématique de ma thèse. Qu'apporte la modalité tactile dans la mesure de l'émotion d'un individu lors de son interaction physique avec un robot ? Alors cette question soulève deux problèmes sous-jacents. Comment éliciter une émotion chez les participants d'une étude ? Comment mesurer les données tactiles échangées ? Contrairement à d'autres études sur où l'émotion est mesurée en même temps qu'elle est générée, en enregistrant l'expression faciale lors de la présentation d'images par exemple, dans notre cas, elle doit perdurer jusqu'à la phase d'interaction physique. Nous avons choisi d'utiliser la réalité virtuelle pour ses propriétés d'immersion, en présentant des stimuli répétés comme des images, des sons ou des vidéos. Il est ensuite nécessaire de choisir un contexte d'interaction précis qui fasse intervenir le toucher. Nous avons sélectionné la salutation cordiale par poignée de main. Enfin, comment mesurer le contact ? Nous avons réalisé deux gants dotés chacun de 23 capteurs de pression piézo-résistifs positionnés aux endroits stratégiques de contact, et chaque gant contient une centrale inertielle permettant de reconstruire le mouvement des mains. Nous avons ainsi d'un côté l'émotion élicitée, mais aussi les critères de personnalité et de genre des participants, et de l'autre les pressions et le mouvement lors des poignées de main. Nous cherchons le lien entre les deux, et les expériences sont en cours de réalisation, mais nous avons déjà des résultats encourageants sur l'extraversion et le genre. Plus précisément, nous sommes capables de déterminer le genre à 70% de réussite lors d'un serrage de main. Alors tout ce travail est préliminaire et d'autres contextes peuvent être étudiés, d'autres zones de contact, d'autres types d'émotions. Mais il faut aussi intégrer le robot dans la boucle pour voir son influence sur le comportement. Mais s'il s'avère que l'impact de l'émotion sur le tactile est mesurable, nous pouvons imaginer un robot qui modifie ses caractéristiques de contact pour communiquer une émotion à son interlocuteur. Merci beaucoup Pierre-Henri Fils. Rodolphe Gélin, un mot sur ces travaux sur l'interface sociale entre le robot et l'homme. C'est important et vous avez beaucoup travaillé dessus avec Pepper notamment. Oui, et c'est vrai que c'est très très bien qu'on s'interroge sur le toucher, parce que on a beaucoup travaillé sur la partie vision, sur la partie audition, et nous on s'aperçoit que dans les magasins, quand on met Pepper en contact du public, les gens, quand c'est vraiment au contact, les gens viennent le toucher. Et on avait un peu négligé ça, et les enfants, ils veulent tout de suite toucher les doigts, et il faut que le robot soit capable de traiter ça. Donc c'est super important que la recherche se penche là-dessus et que le robot puisse détecter que quand on le touche, c'est pas toujours de l'agression, c'est aussi de la gentillesse, et c'est vraiment un super travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pierre-Henri Auréfis. Merci Rodolphe Gélin. On peut consulter le petit livre que vous aviez publié aux éditions du Pommier, Le robot meilleur ami de l'homme, pour aller plus loin. Merci Morgane Tual. On vous lit dans les pages du journal Le Monde. Merci beaucoup à Jean-Paul Lomont et merci également aux camarades de France Bleu à Toulouse pour avoir rendu possible le duplex. Si vous voulez réécouter, eh bien, la recherche montre en main de Pierre-Henri Auréfis, l'émission ou n'importe quelle autre chronique, vous pouvez le faire comme toujours en vous rendant sur le site de l'émission La Méthode Scientifique sur France Culture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Leu à la technique, Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur. Demain, nous passons à la prospective politique. Quel avenir pour la recherche française avec la future loi de programmation pluriannuelle ? Rediffusion de notre récent entretien avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.